Vas-y. La squale, ma gueule! C'est encore la squale pour bouscaper, bon pas ton torse, c'est un classique. Quand bouscas squale gros, je les déclasse. J'ai la classe, même en surveille. J'suis rien que fou, un surveille. En surveille, tes mots devant peine des rollards. Et la vraie, non, la goûté. Et leurs paroles, elles sont douteuses. Ne doute pas, je pèse mes mots. 13 ans avec ma pesette. Dans ma chambre, j'coupe mes barres. T'es à 14 ans, zozo béton. Moi et mon équipe bitume. 2018, gros, j'nique le rap. J'ai pas de rivaux, y'a pas de relais. On relève juste le niveau. J'suis la nouvelle révélation. Génération qui prend des risques. Généralement, j'hésite pas trop. J't'attache dans ton bistrot, pan qu'à flair et le filon. J'ai fait fleurir, j'ai fait florent. J'ai même péqué. Sur du Hamlet, ramène de la coke, t'en fais du crack. Et tout quartier va craquer, ça tire pour un cric. C'est cru, j'fais pas crari, j'ai du croc, j'aime pas crâner. J'ai les crocs, j'arrive armé, c'est pour scaper, c'est plus le raté. J'ai mon croco et j'vais tout baiser, 2018 c'est pour la squad.